السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، donc on continue après cette longue interruption, le résumé explicatif du livre de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé, pour ceux qui ont la même édition que moi, à Dar al-Asima, à la page 228. Et l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed bin al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. L'auteur, qui est Cheikh al-Islam Mohammed bin al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit: Et d'après Abu Huraira, قال الأغري, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: pas de adwa. Et l'adwa, on va traduire ça par contagion. On va expliquer dans un instant ce que ça veut dire, inshallah. Pas de adwa, ni d'augure, ni d'oiseau de mauvais augure, ni le mois de Safar. Ici, en arabe, le hadith dit wala Safar. Et moi, j'ai traduit ici par ni le mois de Safar, qui est une des explications qu'on va le montrer chez Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans un instant, du mot Safar. Donc, je répète le hadith: pas de adwa, ni d'augure, ni d'oiseau de mauvais augure, ni le mois de Safar porte malheur. Rapporté par les deux. Et quand on dit rapporté par les deux, c'est Al-Bukhari et Muslim. Et Muslim, il a rajouté: pas d'astre qui est une influence, c'est ça qu'il faut comprendre ici, ni de roule. Le roule, comme Cheikh Al-Fawzan va l'expliquer dans un instant, c'est un genre de djinn et de démon au sujet les gens prétendent qu'ils font perdre la route aux gens et les tuent, les détruisent. Cheikh Al-Fawzan explique ce passage du maître de Cheikh Al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala en disant: la adwa, al-adwa ismun min al-i'da' wa huwa mujawazatu al-illati min sahibiha ila ghayrih wal manfiyu ma kana ya'taqiduhu ahlu al-jahiliyyati anna al-illata tasri bi tab'iha la bi qadarillah. La adwa, ici, on va voir que c'est une particule. Adwa, le mot adwa que l'on traduit par contagion, qu'est-ce que ça veut dire? La adwa est un nom qui vient d'al-ida, qui est que la maladie se transmet d'une personne à une autre. Et ce qui est dénié ici, c'est ce que croyaient les gens de la jahiliya. Donc ce qu'il faut comprendre ici, le hadith dit pas de adwa, c'est-à-dire pas de contagion. Mais quelle contagion qui est ici déniée? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il explique Cheikh Al-Fawzan. Il dit: et ce qui est dénié ici, la adwa, parce que là, c'est une particule de négation, et ce qui est dénié ici, c'est ce que croyaient les gens de la jahiliya, que la maladie se transmettait d'elle-même d'une personne à une autre, sans prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est dénié ici dans le hadith. Évidemment, quand on traduit, on ne peut pas mettre toutes les explications, d'où l'importance ce jour d'expliquer, ou de traduire en tout cas l'explication des ulama. وَلَا طِيْرَةَ الطِيْرَهِيَ التَّشَاؤُمُ بِالطُّيُورِ وَالْأَسْمَاءِ وَالْأَلْفَاظِ وَالْبِقَاعِ وَالْأَشْخَاصِ وَلَا يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ نَافِيَةً أَوْ نَاهِيَةً وَالنَّفْيُ أَبْلَغُ وَلَا طِيْرَةَ ni d'augure en français. Encore une fois, c'est une négation ici, une particule. Cheikh Al-Fawzan, il va parler de cette particule. Donc ici, ce sont les augures en fonction des oiseaux et des noms et des paroles et des endroits et des personnes. Et la particule ici en arabe, la, peut être soit une particule de négation, ce qu'on appelle en arabe harfu nafin, soit une particule d'interdiction, ce qu'on appelle en arabe harfu nahin. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit que harfu an-nahi huwa ablagh, que la négation, c'est-à-dire qu'on comprenne ici que c'est la particule de négation, c'est plus complet en termes de sens. Wa lahama, attention ici, al-hama bi takhfif al-mim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de shadda sur le mim, hama, c'est pas al-hama. Hein? Il dit, c'est quoi al-hama? C'est البومة كانوا يتشاءمون بها فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. الهامة sans chadda sur le mime, et c'est البومة, le hibou en français, qu'ils utilisaient comme augure, et donc le hadith est venu pour nier cela et montrer la fausseté de cela. Wala safara qila al-murad bih hayyah takunu fi al-batn tusibu al-mashiyah wan-nas yaz'umuna annaha ashadd 'adwa min al-jarab. فجاء الحديث بنفي هذا الزعم وقيل المراد en autre sens شهر صفر كانوا يتشاءمون به فجاء الحديث بإبطال ذلك ولا صفر. Alors ici le sens du mot safar, comme on l'a expliqué tout à l'heure, moi je l'ai traduit par le mot de safar, le mois de safar pardon, qui est un des mois du calendrier hégirien et qui est une des explications des ulama. Donc c'est pour ça qu'on a traduit comme ça. Mais Cheikh Al-Fawzan il dit par rapport au sens du mot safar ici, il était dit que son sens est un serpent qui se trouve dans le ventre des bêtes et des humains, ou un genre de... Oui, des serpents, on va dire en arabe, c'est le mot qu'il a utilisé. Il prétendait que c'était encore plus contagieux que la gale, et donc le hadith est venu montrer la fausseté de cette prétention. Et il a aussi été dit que son sens est le mois de Safar, qu'ils utilisaient comme augure. Et donc le hadith est venu montrer la fausseté de cela. Encore une fois, on fait juste l'explication des termes, comme le fait Cheikh Al-Fawzan à chaque partie du chapitre. Et après, on va voir le sens de tout cela, Inch'Allah Ta'ala. Le sens du hadith dans sa généralité. Wala naw'a, wala naw'a. Sayati bayanu dhalika fi babihi, Inch'Allah. Wala naw'a. L'explication de ce terme, naw, sera faite plus loin dans le chapitre consacré, si Allah le veut. Donc, Cheikh, il le retarde, cette explication de ce terme-là, à l'endroit qui lui est consacré. ولا غول الغول جنس من الجن والشياطين يزعمون أنها تضلهم عن الطريق وتهلكهم فجاء الحديث بإبطال ذلك وبيان أنها لا تستطيع أن تضل أحدا أو تهلكه متين فتحة يسي تهلكه وأن ضم كان أن من أدوات النص. ولا غول الغول est un genre de djinn et de démon. Ils prétendent qu'ils les égarent loin des chemins, ni que ces roules, c'est réel plutôt, en pluriel, les égarent loin des chemins et les détruisent. Et donc le hadith est venu clarifier la fausseté de cela, et clarifier qu'ils ne sont pas capables d'égarer qui que ce soit, ni de les détruire. Donc on a expliqué les termes, on relit le hadith en français, et après on lira l'explication, Inch'Allah. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit pas de adwa. On a traduit par pas de contagion. Et on a expliqué c'est quoi qu'est-ce qui est dénié ici. On a expliqué ça. C'est-à-dire que la maladie se transmet d'elle-même, d'une personne à une autre, ou d'une bête à une autre, sans quoi, sans prédestination d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ni d'augure, tira, c'est un mot qui va revenir beaucoup, ni d'oiseau de mauvaise augure, ni le mois de Safar porte malheur. Rapporté par les deux, Bukhari et Muslim. Et Muslim, il a rajouté pas d'astre qui est une influence, ni de roule. Donc ici, vous avez déjà une indication de ce que veut dire un naouk, l'astre, mais on va expliquer ça plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh Al-Fawzan, il dit maintenant, al-ma'na al-ijmali lil-hadith, le sens général du hadith. Quel hadith? Le hadith d'Abu Huraira rapporté par le Bukhari et Muslim. Muttafaqun alayh. Yanfi sallallahu alayhi wa sallam, ma kanat ta'taqiduhu al-jahiliyatu min i'tiqadatin batilatin min at-tasha'umi bit-tuyuri wa ba'di ash-shuhur. والنجوم وبعد الجن والشياطين فيتوقعون الهلاك والضرر منها كما كانوا يعتقدون سريان الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفسها فيرد صلى الله عليه وسلم كل هذه الخرافات ويغرس مكانها التوكل على الله وعقيدة التوحيد الخالص. Le général de ce hadith, le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dénie ce que les gens de la période pré-islamique avaient comme croyance fausse en termes de prise d'oiseaux et de certains mois et des étoiles et de certains djinns et démons comme augures, au sujet desquels ils croyaient que la perdition et le mal venaient d'eux. De même, ils croyaient que la contagion des maladies de l'endroit où elles se trouvaient vers un autre endroit se faisait par elles-mêmes. Et donc le messager sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a réfuté toutes ces superstitions et a planté à leur place le placement de confiance en Allah. At-tawakkul 'ala Allah, et la croyance de l'unicité pure. Maintenant, comme il le fait à son habitude, Cheikh Al-Fawzan, il montre le caractère opportun de citer ce hadith dans le chapitre dans lequel il s'articule. Chapitre lui-même, qui s'articule avec d'autres chapitres pour faire Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit, si vous voulez, on peut dire le rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على إبطار الطيرة وأنها اعتقاد جاهلي. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il indique la fausseté des augures et que cela fait partie de la croyance pré-islamique. Maintenant, ما يستفاد من الحديث, c'est-à-dire les enseignements tirés de ce hadith, et il y en a huit que Cheikh Al-Fawzan a cité ici. الأول ou bien الفائدة الأولى إبطال الطيرة, la fausseté des augures. إبطال اعتقاد الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبيعتها ولا لا بتقدير الله سبحانه وتعالى. La fausseté de la croyance pré-islamique que les maladies sont contagieuses par elles-mêmes et pas par prédestination d'Allah le Très-Haut سبحانه وتعالى. إبطال التشاؤم بالهامة وشهر صفر. La fausseté de prendre les hiboux ainsi que le mois de Safar comme augure. إبطال اعتقاد تأثير الأنواء. La fausseté de la croyance qui consiste à croire que l'anwa, et l'anwa c'est pluriel de nau, qu'on a dit qu'on va expliquer plus tard, et qu'on peut déjà traduire par astre. Donc la fausseté de la croyance qui consiste à croire que les astres influencent. Cinquièmement, ibtal wa'tiqad al-jahiliyyah fi al-ghilan, c'est-à-dire le pluriel de roule. La fausseté de la croyance pré-islamique en ce qui concerne les roules. C'est-à-dire que c'est un mot qui rentre dans la langue française, le roule. Qui veut dire la langue arabe et qui existe dans la langue française. 6. Wujub tawakkul ala Allah wa al-i'timad alayh. L'obligation de placer sa confiance en Allah seul et de compter sur lui seul. 7. Anna min tahqiq at-tawhid al-hadar min al-wasa'il al-mufdiyah ila al-shirk. Ça c'est un point très important. Il dit Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, être sur ses gardes quant aux moyens, aux causes qui mène à l'association à Allah, qui mène au shirk, fait partie de la concrétisation de l'unicité. 8e point, إبطال ما يفعله بعض الناس من التشاؤم بالألوان كالأسود والأحمر أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العاهات. La fausseté de ce que font certaines personnes est de prendre les couleurs comme augure, comme le noir et le rouge ou certains chiffres et certains noms, et des personnes, et ceux qui ont des difformités. On continue dans ce chapitre. وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمْ لَا عَدْوَى وَلَا طِيْرَةَ وَيُعْجِبُنِ الْفَأْلِ قَالُوا وَمَا الْفَأْلِ قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةِ. Et chez eux deux, évidemment c'est Al-Bukhari ou Muslim, d'après Anas qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas de adwa, encore une fois, pas de contagion, on va traduire ça comme ça, ni d'augure, et le fa'al me plaît. Ils dirent alors, qu'est-ce que le fa'al? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur le sens même du fa'al qu'il lui-même va définir alayhi sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Il répond alayhi sallallahu alayhi wa sallam, la bonne parole, al-kalimatu at-tayyiba. L'explication de ce passage par Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, الفعل مهموز فيما يسر ويسوء بخلاف الطيرة فلا تكون إلا فيما يسوء. الفعل avec une hamza, الفعل c'est pour ce qui rend heureux et pour ce qui rend malheureux, contrairement à la tira, l'augure, qui n'est que pour ce qui rend malheureux. Ici c'est important parce qu'on va voir qu'il y a une restriction qui est faite. Donc, c'est important de comprendre c'est quoi la tira. Et c'est quoi le fa'al? Et c'est quoi la différence entre les deux? Et d'ailleurs, Cheikh Al-Fawzan, à un certain moment dans cette explication, il va expliquer les différences entre le fa'al et le tira. Et il dit, Cheikh Al-Fawzan, الكلمه الطيبه كان يكون الرجل مريضا فيسمع من يقول يا سالم. Salim, ça veut dire que c'est un prénom, Salim. يا سالم. فيؤمل البرء من مرضه وفيأمل البرء من مرضه. Ici il est marqué فيؤمل. الكلمة الطيبة, la bonne parole, qu'est-ce que le professeur a voulu dire? Et le cheikh ici donne un exemple. Il dit, comme lorsqu'un homme est malade et qu'il entend dire, ô Salim, Et donc, il espère guérir de sa maladie. Maintenant, si vous ne connaissez pas le prénom Salim et son sens, vous n'allez pas comprendre la parole de Al-Fawzan ici. Salim, c'est un prénom arabe qui, parmi ses sens, et qui comporte le sens de saint, sauf, bien portant. D'accord ? Et vous connaissez le verbe salima. Hein? Donc, Cheikh continue ici, Cheikh Al-Fawzan Hafidahullah, il dit Munasabatu dhikr al-hadith fi al-bab. Encore une fois, quel est le rapport et le caractère opportun entre le hadith et le chapitre dans lequel il est cité? Il dit Anna fihi bayana anna al-fa'l laysa min at-tirati al-manhiya 'anha. Vous comprenez pourquoi c'est important de connaître la différence entre le fa'l et le tira? Pourquoi? Cheikh Al-Fawzan l'explique, il dit le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la mise en évidence que le fa'l ne fait pas partie de l'augure qui est interdite. Donc il y a quoi? Une restriction qui est faite par rapport au fa'l qu'on va voir dans un instant. Cheikh il dit, hafidhahullah, ma yustafadu min al-hadith, parmi les bénéfices, les enseignements tirés de ce hadith. أن الفأل ليس من الطيرة المنهي عنها. Premier enseignement, que le fa'l ne fait pas partie de l'augure interdite. Deuxième, tafsir al-fa'l. Il faut connaître c'est quoi le fa'l et c'est l'explication justement du fa'l dans ce hadith. Troisièmement, mashru'iyyatu husn adh-dhann billahi wan-nahyu 'an su'i adh-dhann bih. Le caractère légiféré d'avoir le bon soupçon envers Allah et le caractère illicite d'avoir le mauvais soupçon envers lui. الفرق بين الفعل والطيرة. La différence entre le fa'l et الطيرة. الفعل يكون فيما يسر. Le fa'l est dans ce qui fait plaisir, dans ce qui rend heureux. الفعل فيه حسن الظن بالله والعبد مأمور أن يحسن الظن بالله. Il y a dans le fa'l le fait d'avoir le bon soupçon envers Allah et le serviteur est commandé d'avoir le bon soupçon envers Allah. الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. الطيرة n'est que dans ce qui rend malheureux, ne fait pas plaisir. Quatrième ici différence. الطيرة فيها سوء ظن بالله والعبد منهي عن سوء الظن بالله. Il y a dans الطيرة le mauvais soupçon envers Allah, alors qu'il est interdit au serviteur d'avoir le mauvais soupçon envers son créateur, envers Allah subhanahu wa ta'ala. On continue toujours sur ce sujet par rapport au fa'l. Et là, on va voir plus en détail, inshallah, dans le hadith suivant. Wadi Abi Dawood bi sanadin sahih an Urwa ibn Amir qal dhukirat at-tiratu wa at-tiratu 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fa qal ahsanuha al-fa'l wa la taruddu muslima fa idha ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa bik. Et chez Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, donc ça c'est la parole du Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abouhab rahimahullah. Et chez Abu Daoud, avec une chaîne de transmission authentique, d'après Urwa ibn Amir qui dit At-tira ou At-tiara fut cité en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la meilleure est le fa'l et l'augure, At-tiara, ne repousse pas le musulman de son but. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Parce qu'il a dit le prophète Wala taruddu muslima. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais les ulémas ont expliqué, il ne repousse pas le musulman de son but. Et on va voir pourquoi. Parce qu'il a une foi, justement. On va le voir dans un instant, inshallah. Donc si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, qu'il dise, et ça c'est le remède pour ce qui peut toucher le cœur comme, justement, augure. Comme ce genre de superstition. Eh bien, c'est de dire une dua qui est « Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant » وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. Et ça, on va voir le sens, c'est « Oh Allah », on va traduire ça comme ça, « Oh Allah, nul n'amène les bonnes choses si ce n'est toi. Et nul ne repousse les mauvaises choses si ce n'est toi. Il n'y a de force ni de puissance qu'en toi. » Il est rapporté par Abu Daoud, numéro 3719. Cheikh Al-Fawzan il explique ce passage, il dit Tajamatu Urwata wa huwa Urwa ibn Amir al-Qurashi wa qila al-Juhani al-Makki. Dhakara ibn Hibban fi al-Thiqat. La biographie de Urwa c'est Urwa ibn Amir al-Qurashi. Il a été dit al-Juhani al-Makki. cité par Ibn Hibban dans Al-Thiqat. وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمَا بِخِلَافِ الْكَافِرِ فَإِنَّهَا تَرُدُّ عَنْ قَصْدِهِ وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمَا et Al-Tira ou Al-Tira ne repousse pas le musulman de son but. Contrairement aux mécréants qu'elle détourne de son but. لا يأتي بالحسنات إلى آخر الحديث أو إلى آخر الدعاء أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع السيئات. C'est-à-dire que la tira n'amène pas les bonnes choses et ne repousse pas les mauvaises choses. ولا حول الحول التحول والانتقال من حال إلى حال. ولا حول الحول c'est le changement et d'aller d'un état ou une situation vers un autre état ou vers une autre situation. Ici, état dans le sens situation. وَلَا قُوَّةَ أي على ذلك ni de puissance à ce sujet. إِلَّا بِكْ toi seul. المعنى الإجمالي للحديث le sens général du hadith. يذكر الراوي أن الطيرة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس حكمها وما يعمل حيالها. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الطيرة لا ترد مسلم عن قصده لإيمانه أنه لا ضار ولا نافع إلا الله وإنما ترد المشرك الذي يعتقدها ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى العلاج الذي تدفع به الطيرة وهو هذا الدعاء المتضمن تعلق القلب الله وحده في جلب النفع ودفع الضر وتبري من الحول والقوة إلا بالله. Sans général du hadith, le narrateur dit qu'At-Tira fut cité en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il clarifie aux gens son jugement et ce qu'il faut faire quant à cette tira et donc cette augure. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré la fausseté de l'augure et a informé que le fa'l en fait partie mais est meilleur. Et il a informé que l'augure ne repousse pas un musulman de son but en raison de sa foi. Quelle foi? Que personne ne bénéficie autrui et personne ne nuit si ce n'est Allah. Mais que cette augure ne repousse que le polythéiste qui y croit. Qu'il a orienté alayhi salatu wassalam vers le remède par lequel on repousse cette augure. On repousse cette tira. Et c'est l'invocation qui contient d'attacher son cœur à Allah seul. En ce qui concerne la demande d'obtention d'un bien et la demande de repoussement d'un mal. Et cette invocation qui contient le sens qu'il n'y a ni force ni puissance si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Le rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبة الحديث للباب أنها في إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به واستثناء الفأل منها. Vous allez comprendre pourquoi j'ai parlé de restriction tout à l'heure. Le rapport entre ce hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la clarification de la fausseté de la tira et la mise en évidence de ce qu'on utilise, c'est-à-dire l'invocation, pour la repousser, ainsi que l'exception faite, la restriction pour le fa'al, qu'on a défini. Les enseignements tirés de ce hadith. ما يستفاد من الحديث. أولا إبطال الطيرة وبيان ما تدفع به من الدعاء والذكر. La fausse de la tira est la mise en évidence de ce qui la repousse en termes d'invocation. ثانيا أن ما يقع في القلب من الطيرة لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. Ce qui se passe dans le cœur en termes de tira ne nuit pas, mais au contraire, Allah le fait se dissiper par le tawakkul, le placement de confiance en lui seul, subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, le fa'l fait partie de la tira et en est le meilleur. Wujubu tawakkuli 'ala Allah wa tabarri min al-hawli wal-quwwati illa billah. L'obligation de placer sa confiance en Allah seul et de s'innocenter de toute force et de toute puissance si ce n'est en Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith suivant. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله السيتيدي وعن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك والطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذيبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. تبخي ابن مسعود qui rapporte la parole du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم الطيرة est une association à Allah et الطيرة est une association à Allah. Et il n'y a personne parmi nous qui n'en ait pas eu quelque chose attaché dans son cœur. Mais Allah le fait se dissiper au moyen du placement de confiance en lui. Il est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi qui l'a jugé authentique. Et il a dit que sa fin est la parole d'Ibn Mas'ud, la fin du hadith. La fin de cette parole, c'est en fait la parole d'Ibn Mas'ud. Comment Cheikh Al-Fawzan explique cela? Il dit, الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله. C'est une association à Allah en raison de ce qu'elle contient, comme le fait d'attacher son cœur à autre qu'Allah. وَمَا مِنَّا إِلَّا فِيهِ إِدْمَارٌ وَتَقْدِيرُهُ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَقَعَ فِي قَلْبِ شَيْءٌ مِنْهَا وَمَا مِنَّا إِلَّا Il n'y a personne parmi nous qui n'est pas. Il y a dans cette expression quelque chose d'implicite. Et le sens est, il n'y a personne parmi nous qui n'en ait pas eu quelque chose attaché dans son cœur. يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ أي التَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فِي جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضُّرِّ يُذْهِبُ الطِّيَارَةَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ Il le fait partir au moyen du placement de confiance en lui. C'est-à-dire que placer sa confiance en Allah dans l'obtention d'un bien et le repoussement d'un mal se fait se dissiper la tiyara. آخره, ça c'est un point important ici pour que vous compreniez bien par la parole d'Ibn Mas'ud ici, qui est le rapporteur du hadith. آخره من قول ابن مسعود وهو قوله وما منا إلى آخره وهو الصواب شيخ الفزين دي وهو الصواب لأنها شرك والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم معصوم من الشرك. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Al-Fawzan? C'est un point important à comprendre. Il dit آخره من قول ابن مسعود. Sa fin est la parole d'Ibn Mas'ud. Et c'est sa parole. Il n'y a personne parmi nous qui n'est pas. Donc si vous revenez au hadith, il n'y a personne parmi nous qui n'en ait pas eu quelque chose entaché dans son cœur. Mais nous, on sait très bien que le prophète sallam, il est protégé de tomber dans le shirk. Donc comment est-ce qu'on comprend? C'est comme ça que le shirk explique ça. Il dit en fait que cette parole-là, c'est la parole d'Ibn Mas'ud. Ce n'est pas la parole du prophète sallam. Donc il dit, il n'y a personne parmi nous qui n'est pas, et c'est juste car c'est une association à Allah, alors que le prophète sallam est ma'soum. Il ne peut pas tomber, il est protégé de tomber dans l'association à Allah, azza wa jal. Le sens général du hadith, le معنى الإجمالي للحديث, أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر ويكرر الإخبار يتقرر مضمونه في القلوب أن الطيرة شرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله وسوء الظن به. Le sens général du hadith est que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم informe et répète cette information afin que son contenu s'établisse dans les cœurs, que la tira, l'augure, est une association à Allah en raison de ce qu'elle contient comme fait d'attacher son cœur à autre qu'Allah et comme mauvais soupçon envers lui. ما يستفاد من الحديث pardon مناسبة الحديث للباب le rapport entre le hadith et le chapitre أنه يدل على أن الطيرة الشرك أن الطيرة الشرك il indique ce chapitre ou ce hadith pardon dans ce chapitre que c'est une association à Allah Azza wa Jalla. Les enseignements tirés de ce hadith ما يستفاد من الحديث أن الطيرة الشرك لأن فيها تعلق القلب بغير الله. C'est une association à Allah en raison de ce qu'elle contient comme fait d'attacher son cœur à autre qu'Allah, cet augure. Deuxième, مَشْرُعِيَةُ تِكْرَارِ إِلْقَاءِ الْمَسَائِ الْمُهِمَّةِ لِتُحْفَضَ وَتَسْتَقِرَّ فِي الْقُلُوبِ Le caractère légiféré de répéter les choses importantes afin qu'elles soient mémorisées et qu'elles s'établissent dans les cœurs. ثالثاً, أَنَّ اللَّهَ يُذِيبُ الطِّيَرَةَ بِالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ فَلَا تَضُرُّ مَنْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٍ مِنْهَا ثم توكل على الله ولم يلتفت إليها. Allah fait se dissiper la tira au moyen du tawakkul, placer sa confiance en Allah, et donc ne nuit en rien que quelqu'un sente en lui-même cela, puis place sa confiance en Allah et ne prête pas attention à cette augure, à cette tira. C'est-à-dire que tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal, et on a parlé aussi de la dua. Dernière partie, et c'est la fin de ce chapitre pour aujourd'hui. On aura terminé avec ce chapitre, inshallah, avant de rentrer dans Tanjim. Cheikh l'Islam, Mohamed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, « Wali Ahmad ibn al-Hadith ibn Amr, man raddatu al-tiyaratu an hajatihi, faqad ashrak. Qalu ya Rasulallah, wa ma kaffaratu zalik. Qal anna yakoul, Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Wa lahu min hadith al-Fadl ibn Abbasin, L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et chez Ahmed, l'imam Ahmed rahimahullah, d'après le hadith d'Ibn Amr, quiconque a été détourné de son but par l'augure aura alors associé à Allah. Ils dirent, ô messager d'Allah, quelle est l'expiation de cela? Il répondit, alayhi salatu wassalam, qu'ils disent, Allahumma la khayra illa khayruk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghayruk. Et chez lui, d'après le hadith d'Al-Fadl ibn Abbas, la prière en est, qu'est-ce que tu fais, continuer vers ton but, ou ce que tu fais, te détourner de ton but. Et celui-là aussi, il est rapporté par Ahmed Rahimahullah. L'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidahullah, il dit, At-Tarajum, les biographies, Ibn Amr, وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما احد السابقين المكثرين ابن عمرو سي عبد الله ابن عمرو بن العاص كان les agré tous les deux c'est عبد الله le fils d'Amr ibn al-As l'un des premiers musulmans et de ceux qui ont rapporté beaucoup d'ahadith الفضل هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن ابن العباس بن عبد المطلب le fils de l'oncle paternel du prophète عليه الصلاه والسلام فقد أشرك لأنه لم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى غيره. Il aura certes associé à Allah, car il n'a pas voué exclusivement son placement de confiance توكل à Allah, et ce en s'orientant vers autre que lui, vers autre qu'Allah سبحانه وتعالى. كفارة ذلك, l'expiation de cela, أي ما يقع من الطيرة. L'explication de cela, c'est-à-dire l'expiation de ce qui arrive comme prise d'eau dure. L'expiation. La ilaha ghayruk, ay la ma'bouda bihaqin siwak. Nul n'est en droit d'être adoré si ce n'est toi. Innama at-tayaratu ay al-manhi anha, l'augure n'est que, c'est-à-dire ce qui en est interdit, ma amdaka ay hamalaka ala al-mudi fi ma arat. C'est-à-dire, te porte à continuer ce que tu voulais, c'est-à-dire ton but. Aurataka, c'est-à-dire où te détourne de continuer ce que tu voulais, te détourne de ton but. Le sens général des deux hadiths, le ma'na al-ijmali des hadithain. Yukhbiru sallallahu alayhi wa sallam an at-tayrata al-manhiya anha wallati hiya shirk, haqiqatuha wa dhabituha ma hamala al-insan 'ala al-mudhi fi ma aradahu aw radda 'anhu i'timadan 'alayha. Fa idha raddatuha 'an hajatihi allati 'azama 'alayha ki iradati as-safar wa nahwihi, faqad walaja bab ash-shirk. وبارئ من التوكل على الله وفتح على نفسه باب الخوف ومفهوم الحديث أن من لم يثنيه الطيرة عن عزمه فإنها لا تضره ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى ما تدفع به الطيرة من الأدعية مما فيه الاعتماد على الله والإخلاص له في العبادة لسان جنرال des deux hadith ou des deux hadith le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam informe que cette augure, cette tiara qui est interdite et qui est une association à Allah, sa réalité et sa règle est que ce qui porte la c'est ce qui porte la personne à continuer ce qu'il voulait ou le détourne de ce qu'il voulait en se basant sur elle. Et donc si elle le détourne de son but pour lequel il avait une résolution, par exemple comme le fait de voyager, il voulait voyager, et puis il inaugure, il voit un oiseau ou ceci ou autre, etc. Il se dit, ah ben je ne voyage plus. Hein? Et donc si elle le détourne de son but pour lequel il avait une résolution, comme le fait de voyager ou autre chose similaire, il s'engage alors dans la porte de l'association à Allah. Et c'est alors innocenté du placement de confiance en Allah. Et c'est ouvert pour lui-même la porte de la peur. Et ce qui est compris du hadith, c'est que celui qui n'est pas détourné de son but par la tiara, cela ne lui nuit alors en rien. Puis il a orienté vers ce qui repousse cela en termes d'invocation, qui contient le fait de compter sur Allah seul et d'être sincère envers lui dans l'adoration subhanahu wa ta'ala. Munasabatul hadithayn lil bab. أن فيهما بيانا لحقيقة الطيرة الشركية. Le rapport entre les deux hadiths et le chapitre est qu'il y a dans ces deux hadiths la mise en évidence de la réalité de la tiyara qui est de l'ordre de l'association à Allah. Les enseignements tirés des deux hadiths. ما يستفاد من الحديثين. أولا أن الطيرة الشرك. Eh bien, c'est une association à Allah. أن حقيقة الطيرة الشركية ما دفعت الإنسان إلى العمل بها. La réalité de cette tiara qui est l'augure, qu'on a traduit comme l'augure, qui est de l'ordre de l'association à Allah, est celle qui pousse la personne à agir en fonction d'elle. أن ما لم يؤثر على عزم الإنسان من التشاؤم فليس بطيارة. Ce qui n'influence pas sur la résolution de l'individu en termes d'augure ne fait pas partie de la tiara. 4. معرفة الذكر الذي تدفع به الطيرة عن القلب وأهميته للمسلم. La connaissance de l'invocation par laquelle on repousse cette augure du cœur et son importance, c'est-à-dire de l'invocation, pour le musulman. Et avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui. Et c'était le cours 33. Comme vous savez, alhamdulillah, la divine amitié de Moussa Salihat, on a publié et imprimé le premier tome, c'est-à-dire du, pour nous ici, c'est les cours que vous avez fait ici, c'est cours 1 à 31. Et donc le deuxième tome sera de cours 32 à la fin, Inch'Allah. Ça correspond plus ou moins à la moitié du livre. D'accord ? Je sais que la majorité d'entre vous ont reçu des copies. Pour ceux qu'on n'a pas reçus, eh bien, qu'Allah, peut-être une prochaine fois, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله